Je te cherchais depuis longtemps. Tu sais, je t'ai rêvé depuis longtemps. C'est vrai, dans mon cœur chaque matin. Perdu, mais t'es en moi comme un chagrin. De plus, et je pleurais plus qu'à mon tour. Parfois, le temps est long quand on est sans joie. J'ai passé toute ma vie désemparée. Mais je me suis toujours dit que tu viendrais. C'est toute ma vie désemparée, mais je me suis toujours dit que tu viendrais. Je t'ai cherché depuis longtemps, tu sais, je t'ai rêvé depuis longtemps. C'est vrai, dans mon cœur chaque matin. Perdu, mais t'es en moi comme un chagrin. De plus, et je pleurais plus qu'à mon tour. Parfois, le temps est long quand on est sans joie. Tu vois que j'avais raison de t'espérer. Et qu'un jour, à l'unisson, on s'aimerait. C'est toute ma vie désemparée, mais je me suis toujours dit que tu viendrais.